gason ka viv sou teya. Se ti bob avek ti jan sel ki pa gen chans, nan tout jen gason ka viv sou teya. Se ti bob avek ti jan sel ki pa gen chans, nou pel ti moun yo file, yon pa jan repon yo. Nan marche chache, yal renkontre avek de son son. Y'a le rencontré avec deux sonsons. Arrêtez voler, la police n'a piloté pour les femmes.